L'envieux par Paul Bourget. C'est un triste sentiment que je n'ai jamais éprouvé, dit Rabault, l'auteur dramatique. On venait, dans cette fin de dîner, de parler de l'envie. L'un des convives, un autre homme de lettres, René Vinet, le poète si célèbre jadis, si démodé aujourd'hui, récemment attaqué avec la dernière violence par un confrère aigri, s'était lamenté sur ce constant fléau de la vie littéraire. « Non, insistait Rabault, je n'ai jamais éprouvé l'envie et j'en suis heureux. J'ai vu tant de nos camarades en être rongés même dans la renommée. » Ainsi fut La Corbière, le romancier. Vous vous rappelez sa physionomie amère. Il avait cependant la joie de voir aux devantures des libraires des chiffres triomphaux sur la bande de ses volumes. 50e mille, 60e mille, 70e mille. Qu'il était jaloux de vos grands succès à vous, Vinet, et même de mes petits succès à moi, comme le prouvait son attitude à mon égard, cette mesquinerie s'explique, s'il ne se justifie point, par son demi-échec au théâtre quand il s'est aventuré à tenter la scène. Mais l'envie lui était si naturelle que je lui ai vu en donner tous les signes à l'occasion de ce grand artiste trop longtemps méconnu que fut Elémir Bourges. Celui-ci venait de publier un livre dont il ne s'était certainement pas vendu 500 exemplaires. Les journaux s'en taisaient. On n'en parlait que dans les petites chapelles, dont les admirations ne sont trop souvent qu'un prétentieux snobisme. Je me trouvais avec La Corbière au foyer du Théâtre Français. L'un des habitués avait lu ce volume par hasard. Il en parle devant nous avec enthousiasme. La Corbière l'avait lu aussi. Voilà que ses traits se contractent, que sa bouche se serre, il prend la figure que je lui ai tant vue aux répétitions générales des autres, quand les applaudissements crépitaient. La gloire du noble Bourges ne pouvait pas lui porter ombrage, elle n'existait pas encore. Ce simple éloge d'un lecteur évidemment incompétent suffisait à l'inonder d'amertume. C'était l'envieux né qui ne peut pas supporter le mérite des autres. « Et vous dites qu'il avait lu le livre de Bourges ?» fit un autre des convives. Celui-là, qui s'appelle du nom aristocratique de Melchior d'Aguenin et dont la noblesse très authentique remonte au XVe siècle, incarne un type très moderne, celui du gentilhomme brocanteur. Mais il y a dans cette épithète, qui suppose la revente d'objets de rencontre, une grossièreté que contredisent les grandes façons d'un marquis d'Aguenin et de ses pareils. Ce sont des seigneurs à demi ruinés, qui ont trouvé dans les hôtels ou les châteaux de leurs aïeux quantité d'objets, meubles, tapisseries, portraits, simples bibelots, dont la valeur marchande a singulièrement augmenté par le temps qui court, ou plutôt, comme aimait à dire pittoresquement Barbey d'Orbili, qui dégringole. La manie de la collection, devenue une forme nouvelle de spéculation grâce aux tarifs retentissants des enchères publiques, y a contribué plus encore que la vanité des bourgeois parvenus qui se plaisent à installer leur luxe nouveau dans un décor ancien. L'afflux des étrangers, surtout des Américains venus à la curée de la vieille Europe, a encore accru le prix marchand de ces débris des élégances de jadis. Imaginez maintenant un marquis d'Aguenin qui sort du club où il a perdu 50 000 francs au baccarat. Il rentre chez lui, rue Saint-Dominique, dans la demeure ancestrale. Il pose ses gants et son chapeau sur une console dont le dessin d'une décision vigoureuse, les reflets de cuivre, la fine nuance des applications d'écailles dénonce à la manière de boule. Le célèbre ébéniste composait ce chef-d'œuvre en 1716 pour le marquis d'Aguenin d'alors, un des favoris du régent et qui, joueur déjà comme son descendant, mais plus heureux, venait de gagner une somme considérable dans les premières affaires de l'As. Melchior regarde cette pièce de musée. Une console parée s'est vendue voici 15 jours rue de Rouault. Le joueur décavé se rappelle le chiffre. La tentation lui vient d'échanger cet inutile et opulent souvenir de famille contre une liasse de billets de banque qui lui permettra de reprendre sa revanche au club. Il la repousse, cette tentation, mais la semaine ne se passe pas sans qu'il se soit arrêté chez un antiquaire célèbre avec lequel il entame une négociation dont il serait un peu honteux si plusieurs camarades, d'un nom historique comme le sien, ne lui avaient donné l'exemple de ces fructueuses combinaisons. La console est vendue, puis c'est le tour d'une commode, d'une pendule, d'une tenture, et la dame de pique et celle de cœur, continuant leur œuvre, notre gentilhomme besogneux n'a plus seulement brocanté pour son propre compte, il s'est fait, pour des cousins, pour des amis, un intermédiaire profiteur. Ce commerce un peu clandestin a satisfait chez lui non seulement son goût de la dépense, mais aussi des instincts de diplomatie transmis par ceux de son nom comme la console de boule, les aubussons et les gobelins de ses salons. La fréquentation des marchands l'a conduit à celle des artistes. Du trafic des meubles anciens, il en est venu à celui des tableaux modernes. La société des peintres lui a plu. Il a de l'esprit et de l'humour, et il est devenu une variété de mécène à la fois généreux, car il est arrivé souvent d'aider à leur début les jeunes talents dont il prévoyait l'avenir, et usuraire, car il a revendu les 20 000 francs, une toile payée par lui 500 à son auteur. Tous ces traits contrastés composent un personnage d'autant plus intéressant qu'il est très brave. Il s'est engagé dès le début de la guerre et s'est admirablement conduit. Spirituel, ce frottement avec les milieux si divers lui a donné une espèce de culture qui fait qu'il n'est pas déplacé dans la société des professionnels de l'intelligence. Il le prouva une fois de plus ce soir-là, non sans une certaine coquetterie de sa propre finesse, en nous émettant ses réflexions sur cette étrange passion de l'envie, si universellement constatée et si rarement étudiée dans ses nuances déconcertantes. « La Corbière l'avait lu, ce livre ? » répéta-t-il. « Et vous-même, l'aviez-vous lu ?»« Ma foi, non, » répondit Rabot. « S'il fallait mettre le nez dans tous les ouvrages des moins de 30 ans, comme ces godelureaux s'appellent, à quelle heure travaillerait-on ? » ?»« La Corbière n'était donc pas de votre avis, » reprit Dagnin. « Je l'ai bien connu. Allez, et bien regardez. Il avait, lui, une recherche maladive, si vous voulez, des talents nouveaux. Et savez-vous pourquoi ?»« Non, » dit Rabot. « Mais j'imagine aisément plusieurs motifs à cette curiosité. Infliger à ses rivaux ce désagrément qui avait été le sien devant l'éloge de Bourges en célébrant quelques mérites inconnus, se donner par la découverte de ce mérite des airs d'attitude généreuse, celle d'un grand aîné pour de petits cadets, ou tout simplement de recruter parmi les jeunes des claqueurs possibles, comme on l'a raconté trop justement de Hugo et de Michelet. Il y avait sans doute un peu de tout cela dans le cas de la Corbière, répliqua Dagnin, mais il y avait surtout un sentiment qui a fait le tourment de sa vie, malgré les mille dont vous parliez. Il était le fils d'un homme d'affaires. Comme tel, il avait hérité le goût du bilan, ce besoin de vérifier son actif et son passif. Appliqué à l'œuvre littéraire, cet instinct commercial aboutissait à une critique constante de sa propre valeur. Personne plus que lui ne connaissait les limites de ses possibilités. Certes, il était envieux par nature, mais son envie s'attaquait bien moins au succès des autres qu'aux qualités d'un talent qu'il sentait supérieur au sien. Envier quelqu'un de cette manière-là, c'est l'admirer, c'est lui rendre hommage. Qui donc définissait la haine, la manière noire de l'amour ? Il y a donc une envie qui sera la manière noire de l'enthousiasme. « Comment on se passerait de ces enthousiasmes-là » fit Rabot en riant. « Croyez-vous ? » repartit indulgemment Dagnin. « Ils sont tout de même un hommage, ces envieux d'un grand homme, et cette sorte d'envie toute mêlée d'admiration est moins dégradante pour celui qui l'éprouve que la brutale révolte du pauvre, par exemple, contre le luxe du riche, de la femme vieillissante contre la fraîcheur de la jeunesse. Et tenez, je vais vous raconter une histoire où je me trouve mêlé, pas pour mon propre compte, car... je suis un trop petit monsieur pour avoir jamais inspiré cette envie-là. Vous avez connu Fauriel, le portraitiste en vogue des Parisiennes d'il y a 35 ans. Certes, dit Rabot, et franchement, si votre histoire suppose que la fat peinture de ce favori des Snobinettes a excité ce que vous appelez l'enthousiasme envieux chez un de ses confrères... Aussi n'est-ce pas lui qui l'a inspiré, interrompit Dagnin, mais il l'a ressenti pour un autre peintre, lequel avait été son élève, et que l'on est unanime aujourd'hui à considérer comme un des meilleurs artistes de sa génération. Il s'agit de Georges Emery, mort trop tôt. Il a laissé quelques chefs-d'œuvre, entre autres cette jeune fille Lisan, qui fit sensation au salon de 1910. Peut-être vous rappelez-vous les vers que Julien d'Orsène écrivit sur cette toile, alors. « Je crois bien, » interrompit René Vinet, et ne pouvant s'empêcher de faire allusion à l'injuste attaque dont il avait été l'objet. « Je puis même vous les réciter. Je les sais par cœur, bien qu'ils ne soient pas de moi. Ce qui prouve que si j'ai inspiré l'envie, je ne l'ai moi non plus jamais ressenti. » Et il dit ces quelques vers. Elle est assise, et entre ses mains un livre, son fin profil, si grave et réfléchi, ne livre aucun des sentiments dont est touché son cœur. Que lit-elle? Des vers de rêve et de langueur? Ou bien un dangereux roman qui lui révèle des abîmes de l'âme encore inconnus d'elle? Qu'en savoir? Elle lit sans relever ses yeux, et la lampe met un halo mystérieux autour de cet enfant aux paupières baissées, immobile devant son livre et ses pensées. Ça a été une de mes folies de collectionneur que l'achat de cette toile, reprit Daguenin. Vous voulez dire d'un de vos plus beaux placements? Répliqua Rabot avec une ironie qui révélait un certain agacement du ton un peu avantageux du gentilhomme, lequel jouait visiblement au psychologue avisé dans cette discussion avec de vieux ouvriers littéraires. Il faut bien vivre, repartit Daguenin avec une simplicité désarmante. Les temps sont durs, et puis l'Américain qui m'a enlevé mon Emery à coups de dollars laissera sa collection à un musée de New York ou de Boston, et ce sera un peu de gloire française de plus. Mais, continua-t-il, encore un coup, il ne s'agit pas de moi. L'intérêt de ma petite histoire est d'abord qu'elle est vraie, et puis que j'ai dû de conserver cette jeune fille lisant, précisément un geste de cet envie enthousiaste qui vous laisse sceptique, Rabot. Moi, c'est le cas de dire que j'étais payé pour y croire. Ce « j'étais payé », gentiment cynique, avait été prononcé avec autant de grâce que put l'être jadis la phrase célèbre de Talleyrand faisant allusion aux sportules de sa vie politique. « Je me suis souvent laissé payer, je ne me suis jamais vendu. » Il entendait par là qu'il avait toujours servi des idées qu'il croyait justes, tout en acceptant d'être rétribué pour cette besogne. Daguenin, pareillement, justifiait ses profits de trafiquant d'art en se rendant la justice qu'il n'avait jamais trompé sur la marchandise. Et il continuait. Je fréquentais l'atelier de Fauriel à l'époque où son élève Emery venait d'obtenir le prix de Rome. Le maître était très fier de ce succès. « Rappelez-vous le nom de ce jeune homme, monsieur le marquis ?» me disait-il, « il ira loin. » J'avais ce pronostic dans la mémoire lorsque, plusieurs années après, dans une exposition de cercle, je retrouvais ce nom de Georges Emery au bas d'une toile qui représentait une mère et son fils. L'identité d'âme entre la femme et l'enfant, elle de 35 ans peut-être, lui de 10, était rendue comme palpable par l'attitude, les traits, le regard de ces deux êtres, l'un dans l'aurore, l'autre au midi de leur existence. Le hasard voulut que je dînasse le même soir dans une maison où je me rencontrais avec Fauriel. « Eh bien, lui dis-je, croyant moi, naïf, lui être agréable, vous avez été bon prophète. J'ai vu à l'épatant une toile excellente de votre ancien élève Emery. C'est de la peinture de tout premier ordre. « Je suis tellement occupé, dit-il, que je n'ai pas encore eu le loisir d'aller au cercle. » Et faisant dévier la conversation, « D'ailleurs, je ne vois plus guère Emery. Un candidat à l'Institut, même s'il n'y a pas beaucoup de chances d'être nommé, est presque un vieux bonze pour ces jeunes requins. » L'incohérence de cette métaphore attestait un énervement chez cet homme qui s'appliquait d'ordinaire à parler avec une élégance rare dans les ateliers. Je devais savoir par Emery lui-même, rencontré le lendemain dans un autre dîner, que Fauriel m'avait menti la veille et qu'il était venu à l'exposition du Cercle. Et me rappelant qu'il m'avait été présenté chez Fauriel à la veille de son départ pour Rome. « Il était si cordial pour moi à cette époque, me dit-il. Il est si froid maintenant. Je crois qu'il m'en veut de ne lui avoir pour ainsi dire pas écrit d'Italie. Le pinceau et la plume, ça ne va pas toujours ensemble. Et avec un gentil sourire de grand enfant, on se rabibochera, l'ancien patron et moi, un de ces jours. » Ce rabibochage, pour parler comme lui, ne me parut pas s'être produit, à voir, en plusieurs circonstances, les deux hommes en présence l'un de l'autre. Vous me parliez, Rabot, tout à l'heure, du masque contracté de la corbière, quand un spasme d'envie lui serrait le cœur. C'était bien ce spasme que je devinais chez Fauriel, quand Emery était là, tout rayonnant de sa jeune gloire. Il faut vous souvenir qu'elle fut immédiate et déclenchée précisément par cette jeune fille lisant, à laquelle je vais revenir. Prenez patience. » Moi aussi, interrompit Rabot, j'ai pu la constater, cette antipathie de Fauriel pour Emery, et justement à l'occasion de cette toile. Je crois encore l'entendre dire « C'est un combineur qui s'y entend réclame. Ces succès-là, obtenus à coups d'articles, me font toujours penser aux inscriptions que nous voyons tout petits sur les voitures des remplaçants qui venaient de toucher leur prime et qui dépensaient leur argent dans cette noce d'une semaine. » Ça ne durera pas toujours. Où voyez-vous de l'enthousiasme dans cette basse envie-là, mon cher marquis ? Patience ! Répéta Dagna. Comme tous les raconteurs d'anecdotes, il se délecte à filer ses récits pour mieux ménager les faits. Je vais vous faire plaisir, Rabot. Cette basse envie-là, comme vous dites, était même poussée chez Foriel jusqu'à une haine, qui se manifesta par des méchancetés plus graves que des propos du type de celui que vous rapportez. Ce fut d'abord une campagne sourde auprès de tous les journalistes dont il prétendait qu'Emery faisait les fourriers de sa réclame. À force de malins propos, il arriva, lui, à en faire les fourriers d'une vilaine entreprise de devinage à l'égard de son ancien élève. Échos désagréables, chroniques désobligeantes, épigrammes insidieuses, Georges Emery avait subi toutes ces meurtrissantes rançons du succès à Paris, sans soupçonner que le principal instigateur était le maître de sa jeunesse, devenu le rival rancunier de son âge mûr. Il faut dire que ce grand artiste avait dans son caractère des inégalités irritantes. Toujours obsédé par son œuvre, au lieu d'observer ses interlocuteurs, il pensait au tableau qu'il était en train de peindre et qu'il avait quitté le matin pour le reprendre tout à l'heure. Rappelez-vous Léonard de Vinci, quittant brusquement une compagnie à Milan et se mettant à courir pour corriger un détail de son Giannacolo qui venait de surgir devant son regard intérieur. Et puis, Emery avait contre lui d'autres envieux. Un homme qui inspire une grande passion à une femme à la mode en a toujours. Aujourd'hui que cette maîtresse n'est plus de ce monde, ni son époux, ni le pauvre Emery, il n'y a plus d'indiscrétion à nommer cette délicieuse madame de Villedouet. Par une coïncidence saisissante, elle mourut quelques jours après que les gazettes avaient annoncé le prochain mariage de Georges Emery avec une très jolie et très riche américaine, Mrs. Gray. La liaison de madame de Villedouet avec le peintre s'était dénouée depuis quelque temps déjà, et de la façon la plus correcte, comme le prouvait l'attitude du mari devenu veuf vis-à-vis d'Emery. Mais les morts subites, pour peu qu'un rien de mystère plane autour d'elle, provoquent facilement de mauvais propos. L'hypothèque d'un suicide caché n'a pas plus tôt été formulée qu'elle est propagée, acceptée, commentée. Il y a encore des dizaines de personnes aujourd'hui, j'en suis sûr, qui croient dur comme fer que madame de Villedouet, morte simplement d'une embolie, j'ai pris soin de m'en enquérir, s'est tuée à cause du mariage de Georges d'Emery. Je dois pourtant, dit Rabot, rendre cette justice à Foriel, que je l'ai entendu plusieurs fois démentir cette légende. Ça, rectifia Dagnin, c'est la manière scélérate du profond calomniateur, défendant les gens pour les faire attaquer davantage, démentir les bruits pour mieux les propager par la discussion. J'en ai la certitude. Vous voyez que j'abonde dans votre idée. Sans Foriel, cette légende du suicide de madame de Villedouet, causée par l'abandon d'Emery, ne se serait jamais répandue. Et cette légende eut trois conséquences bien regrettables. La première fut la rupture du mariage de Mrs. Gray, laquelle ne put pas supporter l'idée d'avoir été mêlée à ce drame. La seconde, un refroidissement avec Emery de toute une partie de sa famille établie en Provence, à qui cette légende arriva par Foriel, j'en suis sûr encore, sa santé l'ayant forcé, à cette époque, de passer tout un hiver ailleurs où habitent ces gens. La troisième, enfin, chez Emery lui-même, la hantise d'un doute. Comment expliquer autrement le changement de son humeur depuis lors? Eh bien, vous allez juger vous-même, maintenant, des vrais dessous, d'une inimitié sans scrupule, dont cette simple attitude à l'occasion de la mort de madame de Villedouet, qui est tout de même un étonnant exemple. Pas plus étonnant, dit Rabot, que celui des romans à clé, des souvenirs ou des correspondances qui foisonnent dans les bas-fonds de la littérature d'aujourd'hui. Des maîtres mêmes, que l'on voudrait pouvoir admirer sans réserve, se permettent de ces diffamations le plus souvent sournoises envers leurs contemporains ou leurs aînés. Ah, mon cher marquis, cessez, je vous en prie, de chercher de nobles excuses à cette hideuse passion d'envie. Eh bien, fit Dagnin, expliquez alors le geste absolument vrai. Je vous en donne ma parole d'honneur, que Foriel eut devant moi, dans une circonstance d'autant plus significative que j'en fus le seul témoin. J'avais eu cette année-là, c'était bien avant la guerre de 14, l'occasion d'une spéculation de bourse follement fructueuse. La chasse, vous le savez, est un de mes goûts favoris. Je suis de ceux qui ne sourient pas en lisant dans le journal de Louis XVI le mot « rien » à la date du 14 juillet 1789. Le pauvre roi n'avait pas chassé ce jour-là. l'idée vint d'employer ce gros bénéfice à réaliser un de mes rêves. Un pavillon de chasse construit et aménagé à mon goût, pas très loin de Paris, et dans le voisinage de grands domaines possédés par des parents et des amis chez qui j'étais sûr d'être prié. Je trouve la maison désirée. Je l'achète, je la meuble, et naturellement, j'y transporte quelques-unes des toiles de ma petite collection. Pourquoi vous cacherais-je que, toujours désireux de la renouveler, je prévoyais qu'une fantaisie de ses voisins, ou de leurs hôtes, me permettrait de leur céder quelqu'une de ces toiles sur lesquelles une trop longue possession m'avait blasé. Parmi les 6 ou 7 tableaux transportés ainsi dans ce pavillon, se trouvaient 2 natures mortes de Foriel et précisément cette jeune fille lisant de Georges Emery, que je vous mentionnais tout à l'heure. Je loge le tout dans une espèce de galerie attenante à la maison, sans prendre garde qu'avoisinant le bûcher, elle pouvait être exposée à un danger d'incendie. Et c'est justement ce qui arriva un soir de chasse où Foriel se trouvait être mon invité. Un fumeur imprudent avait-il jeté une allumette enflammée sur un tas de fagots? La malveillance d'un jardinier, congédié une semaine auparavant, avait-elle imaginé cette ignoble vengeance? Toujours est-il qu'à peine couché, je suis réveillé par des coups frappés à ma porte. « Il y a le feu, le feu, le feu, monsieur le marquis !» criait mon domestique affolé. « La galerie brûle !» Elle était construite en matériaux trop inflammables. Des murs en briques très légères, encadrés dans de vieilles poutres, assuraient le plafond que le feu gagnait déjà, avivé par un vent qui, du bûcher, projetait sur cette bicoque une pluie d'étincelles. Le domestique, qui m'avait prévenu, n'osait s'approcher. Il se tenait à quelques mètres de distance avec la cuisinière, sa femme, en gémissant « Mon Dieu, mon Dieu !» Moi-même, je regardais d'un œil désespéré cette œuvre de destruction, avec le sentiment que les pauvres toiles emprisonnées là devaient se consumer déjà, qu'essayer de les sauver serait une entreprise follement dangereuse et certainement vaine. Jugez donc de ma stupeur en voyant Foriel descendu de sa chambre en pyjama de nuit et qui, forçant la porte de la bicoque d'un coup d'épaule, se précipitait dans le brasier. Quelques minutes après, il en ressortait indemne par bonheur, en tenant en main, devinez quoi ? La jeune fille lisant, dit Rabot, alors c'est que la fumée l'asphyxiant, il s'était trompé de toile. Il était certainement entré là pour sauver ses natures mortes. Voilà l'énigme, répondit Dagna avec un sourire de triomphe. Il était entré dans le brasier non seulement au risque de grosses brûlures, mais de sa vie pour sauver ce tableau-là. Et dans la surexcitation du danger couru, poussé sans doute aussi par ce besoin d'être entièrement sincère qui nous force, par instant, à dire de nous-mêmes ce que nous voudrions à tout prix que les autres ne pensent pas, il vociférait. Voyez-vous, je n'ai pas pu supporter l'idée que ce chef-d'œuvre allait être détruit. Car c'est un chef-d'œuvre. C'est à croire que cette canaille d'Emery a ramassé un des pinceaux de Léonard. Le portrait ainsi exécuté, avec toute la magie de la couleur et toute la finesse de la psychologie, j'ai toujours eu ce rêve d'art et je ne l'ai jamais réalisé. Vous m'avez toujours entendu dire du mal d'Emery. Tout à l'heure encore, je viens de le traiter de canaille, parce que je le hais, entendez-vous, oui, je le hais, d'être celui que j'aurais voulu être. Ce rêve, de devenir un grand artiste, de copier l'idéal que j'avais là. » Et il se frappait le front. « C'était le tourment de ma jeunesse et le supplice de mon âge mûr. Avec tout l'argent que j'ai gagné et tout le prestige que j'ai pu avoir chez les Salonards, croyez-vous que je ne sache pas que je ne suis qu'un peintre de chromos ? Alors, quand on voit dans un élève, comme ça m'est arrivé pour Emery, grandir, se développer, s'épanouir, le personnage dont on est l'avortement, ah ! Ce n'est pas joli. C'est même hideux. On souffre trop, et on se prend à détester cet élève. » Et me saisissant le bras, il me le serrait dans une étreinte dont je sens encore la force. « Et surtout, ne le lui racontez pas, ce que j'ai fait aujourd'hui pour son tableau. Donnez-moi votre parole, donnez-la-moi. » Son accent était si impérieux que je lui répondis, « Je vous la donne. »« Merci, » me dit-il d'une voix brisée cette fois. Nous nous séparâmes sur ce mot. Quand je me réveillais le lendemain, j'appris qu'il avait, dès la meilleure heure, envoyé chercher une voiture au village et qu'il était parti. Depuis, nous n'avons pas échangé 20 mots. Il m'a toujours évité. Le souvenir de sa confession lui était évidemment trop douloureux. Il ne se doutait pas que je lui en gardais, moi, une singulière estime. La méritait-il ? Dit Rabot. Se rendre compte avec cette lucidité des raisons d'un mauvais sentiment et y céder n'est pas être deux fois coupable ? Et puis êtes-vous sûr qu'il ne vous ait pas joué la comédie ? Supposons qu'il ait pris le tableau d'Emery en se trompant, et croyant prendre les siens, puis qu'il ait profité de l'occasion pour se justifier de sa vilaine attitude envers un cadet triomphant. C'est très humain, cela, s'accuser pour s'excuser. « Vous ne l'avez pas entendu ? » fit Daguenin. « Certains cris ne mentent pas. Reconnaissez plutôt avec moi qu'il y a quelquefois, toujours peut-être, dans l'envie des gens de lettres et des artistes les uns pour les autres, une inconsciente et douloureuse reconnaissance d'un talent supérieur, et que l'on déteste d'autant plus qu'on l'admire davantage. Et ceux qui en sont l'objet n'en sont-ils pas, secrètement, un peu flattés ? Quel est l'écrivain ou l'artiste célèbre qui ne se rende pas compte que ses envieux lui mesurent sa grandeur comme son ombre lui mesure sa taille ? C'est tout de même vrai, dit en souriant ce René Brancy, dont le fidèle souvenir à l'égard des vers de Dorsen attestait la générosité native, que l'on douterait de son œuvre si elle ne soulevait pas des colères jalouses. Et si vous voulez bien, il levait son verre, portons la santé de nos diffamateurs. D'autant plus, fit Daguenin, qu'il y a pour l'envieux à l'égard de l'envié une cruauté pire que la diffamation, le silence. Pas un, parmi les écrivains et les artistes présents, ne releva ce mot trop vrai. Tous les affamés de succès, hélas, ne le sont-ils pas aussi de réclame, comme ce Voltaire dont on disait « Il a pour 100 000 livres de gloire, mais il en voudrait bien encore pour 2 sous. » Ainsi s'achève l'envieux par Paul Bourget.